de l'altitude, toi et moi. Loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. On perd notre aptitude, celle qu'on avait à rester fier. Ni l'un ni l'autre n'ira. On perd notre temps à se perdre tout le temps. Loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. Perdu, perdu, perdu temps. Perdu. Tous ces gens m'avaient prévenu. On descend, on l'a voulu. Perdu. Sans s'entendre sur notre but. On s'ennuie fort, on se tue. Perdu. Perdu. Perdu. Tous ces gens m'avaient prévenu. Mais ces derniers mois, j'ai flanché loin de toi, loin de moi, sans prendre la mesure de ce qui m'arrivait. Et c'est arrivé sans le voir venir. Notoriété oblige, j'y prends bien du plaisir, même si j'y perds ma liberté. Vouloir trop réussir, la pression du succès des gens, les autres. Nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Perdu, tous ces gens m'avaient prévenu. Loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira.